nur de silo hin à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver hin à Brezhoneg. Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezhoneg. Comme d'habitude, on commence par Gary Warvué. Première émission 2014, on est à la 409. Oui, Père Hanno. Et alors là, aujourd'hui, pour les mots Gary Warvué, et là, j'ai pensé parler du nom d'une activité ou d'un métier, c'est pas un métier très répandu, bouteiga. Alors, qu'est-ce que c'est bouteiga? Il ouvre des grands yeux. Bouteiga, c'est le vanier. Alors bouteiga, donc quelqu'un qui fait des paniers, enfin de la vannerie en général. Et donc ce mot-là, donc c'est un mot masculin. Hein. Et donc ça vient de boutique. Ici on dit plutôt boutique d'ailleurs, avec un i qui veut dire un panier utilitaire. Hein. Dans le temps les paniers étaient plutôt utilitaires. Hein. Donc alors boutique c'est un panier, c'est grand panier où on met les pommes de terre ou des habits ou des choses comme ça. Hein. Il y en avait dans toutes les maisons autrefois. Et ici à Pommeritte, on dit plutôt mande. Alors mande, c'est donc un panier comme ça, quoi. Hein. Donc c'est grands paniers souvent en saule ou en bourdaine, donc qu'on utilisait pour un peu pour tout finalement. Est-ce qu'on faisait ici aussi les paniers avec de l'herbe tressée dans de la ronce, par exemple? Oui, ah oui. Alors ça c'était de la paille, hein. De la paille avec de la ronce, le genre de comme les ruches par exemple. Mmh. Hein. Alors on fait aussi des paniers comme ça, oui. D'ailleurs, ces paniers-là étaient souvent utilisés, par exemple, pour les boules de pain, hein, pour transporter les boules de pain et avant de les cuire aussi. Hein. Et oui, il y en a. Hein, moi, j'en ai un ou deux ici, quoi, qui datent de l'époque de mon grand-père, quoi, de mes grands-parents. Mais oui, on faisait beaucoup de paniers comme ça. Mais boutique, c'est vraiment de la vannerie, c'est de la vannerie en bois, quoi, en osier, voilà. Alors, c'est un nom masculin hein, et qui a un pluriel. Boutigue, hein, c'est un nom masculin, donc qui a un pluriel qui est boutigou hein, ou boutigui. Hein, ça dépend des gens. Enfin, c'est boutigou ou boutigui. Hein, voilà. Alors, on a aussi le contenu. Hein, Alors, boutégat, c'est le contenu d'un panier comme ça. Par exemple, on va dire boutégat diad, boutégat pato. Hein, donc il y avait des boutiques comme ça pour bien sûr c'était pas les mêmes hein, on mettait pas le linge dans celle où on mettait les patates hein. Voilà et puis pendant l'hiver les gens faisaient ça en hiver hein. Mon grand-père maternel par exemple à Quéran-Quéré, là il faisait des paniers comme ça en hiver. Tout le monde savait faire Oui, beaucoup de gens savaient les faire oui. Et il y avait deux anses hein, une de chaque côté quoi. Voilà. Alors après par la suite d'ailleurs il y a eu des dans les marchés on a vendu des armatures en fil de fer pour simplifier le travail et on pouvait faire des paniers comme ça à partir d'une armature en fil de fer et avec de l'osier ou de la bourdaine aussi hein. Voilà alors les vanniers alors donc en bouteille quand je l'ai dit c'est le vannier et alors comme c'est un nom de personne qui n'a pas un pluriel en ou, toujours la même histoire. Il y a une mutation après l'article, une mutation adoucissante. On dit Voutégerien, les vanniers. Voilà. Alors les vanniers d'aujourd'hui. Alors j'ai lu dernièrement qu'il y avait 14 vanniers en Bretagne, professionnels. Hein. D'accord. Donc il y en a. J'ai vu des articles sur des vanniers à Plourard là. Oui. Hein, t'as peut-être vu ça dans le journal. Et Guilcher, il s'appelle, hein, un couple. Et j'ai vu aussi un article dans le Ya, il y avait un article sur un vanier de l'Escouet-Gouarec. Mm-hmm. Donc voilà, il y a à peu près, donc il y a 14 vaniers professionnels, plus beaucoup d'amateurs, mm-hmm. hein, bien sûr. Et alors, comme je le disais tout à l'heure, le bois qui est employé, alors il y a plusieurs bois qui peuvent être employés, par exemple l'osier. L'osier, on dit osil en breton. Mais souvent on dit harleg aussi. Hein. Harleg, c'est le saule du saule. Ouais. L'osier étant un saule, mais tous les osiers sont des saules, mais tous les saules ne sont pas des osiers. Voilà. Et il y a aussi la bourdaine hein, qu'on dit quadévor en breton. ou quad Ivo par endroit, ou quad du aussi, j'ai entendu Henri Morvan dire quad du. Hein. Ouais. Voilà. Donc, il y a aussi un autre mot qui désigne tous les bois flexibles, c'est guyal. Hein. Guyal qui est à peu près n'importe quel bois flexible qu'on peut utiliser pour faire des paniers. Voilà. Alors autrefois, en français, on parlait de gabion. Hein, c'est un mot qui est un peu oublié, sauf dans les mots croisés. Hein, donc, qui était un grand panier comme ça pour transporter en vrac des denrées. Voilà. Alors, le mot mande, lui aussi, hein, le mot mande, qui est un grand panier d'osier, c'est le mot existait en français autrefois. Il y avait man hein, ou mande aussi. Et c'est plutôt une manne, hein, voilà. Alors, ce qu'on peut dire encore, oui, une plantation d'osier, hein, c'est en français c'est une oseraie, hein, et le travail de l'osier c'est l'osiériculture. Alors il y a une formation hein, en Haute-Marne, à Felbio, c'est la seule formation qui existe pour devenir vannier. Voilà, j'ai eu l'occasion d'y passer il y a quelques années, ouais, c'est une formation pour devenir vannier. Oui, celui de l'Escouet de Guaret qui s'appelle Christian Guérin. Voilà. Donc on peut faire un peu de publicité, ça revient hein, les paniers. Ça revient sous forme de paniers garnis. Ah, il y a une autre plante aussi qu'on utilise, c'est le rotin. Hein, mais qui est une plante exotique. Hein, c'est un palmier exotique. Mais alors ici, on peut utiliser beaucoup de choses. Hein, la bourdaine. Il y en a certains qui utilisent les repousses de châtaigniers aussi. Ouais. Voilà. Alors il y a eu des formations de vannerie organisées par Talendour à Pembrit. Ah. Peut-être que ça reviendra hein, de temps en temps. Donc il y a des vanniers amateurs aussi qui travaillent les bois flexibles. Et ben, on va s'arrêter là-dessus et puis on souhaite aux gens d'avoir beaucoup de paniers garnis. Très bien, on passe à la deuxième partie d'émission. Brezhoneg t'en m'attend. Deuxième partie d'émission, Brezhoneg t'en m'attend. Oui, alors aujourd'hui, on va pas aller à Zantol. Là, j'avais envie de parler un petit peu des années 14, puisque là, on rentre dans l'année 2014, Bla Pevarzeg, hein, et j'avais envie de parler un petit peu de... Alors, ce chiffre 14, ont développé ces pévarzeg. Hein. Mmh. Ici, on a plutôt tendance à dire perzeg. Hein. Donc, c'est pévar plus 10. Hein, et le dé de 10 est adouci en z. Donc, ça donne pévarzeg. Alors, c'est un chiffre qui était assez souvent utilisé pour désigner un grand nombre. Parce que ça fait 2 fois 7. Hein, 7 étant le symbole de la perfection. Et donc, 14, par exemple, on disait « Ogwele Pevarzek »,« Ogwele Perzek », un lit à 14 personnes. Mmh. C'était, par exemple, quand il y avait un mariage et qu'on restait dormir chez l'habitant, sur place, on disait, j'ai entendu dire ça, on va faire un « Ogwele Perzek », quoi, un lit à 14, quoi, pour désigner un grand nombre. Hein. 14, ça commence à faire. Ouais. Voilà. Alors, c'est un adjectif numéral cardinal, hein. L'adjectif numérique ordinal correspondant étant 14e, Pevarzeget. Hein, voilà. Alors oui, je pensais. Alors ça tombe bien aujourd'hui puisque on est le 9 janvier aujourd'hui, donc on enregistre ici à Pomerite le 9 janvier, et ça fait 500 ans aujourd'hui que Anne de Bretagne est morte à Blois, et donc ça va être une année où on va parler beaucoup d'Anne de Bretagne. Alors puisque cette année il va y avoir un timbre qui va être émis en l'honneur d'Anne de Bretagne, et on va raconter beaucoup de choses sur Anne de Bretagne. C'est un peu un mythe aujourd'hui, qu'on en a fait un petit peu un mythe. Anne de Bretagne étant la dernière souveraine de Bretagne, puisqu'après la Bretagne a été rattachée à la France, hein, en 1532, à l'époque de sa fille Claude. Et alors, on a fait un petit peu un mythe. Bon, par exemple, on voit dans beaucoup de villes, il y a la maison d'Anne de Bretagne qui est passée là, à Guingamp, par exemple. Et dans beaucoup d'endroits, il y a des maisons à croire qu'elle a accouché un peu partout. Et on en a fait un petit peu un mythe de l'indépendance bretonne, alors qu'en fait, c'était une dynastie qui n'avait plus grand-chose de bretonne, faut bien le reconnaître. J'ai même entendu dernièrement que Anne de Bretagne s'adressait au peuple en breton, ce qui est tout à fait fou. Elle savait pas un mot de breton, la malheureuse. Mais enfin, bon, ça fait partie du mythe, quoi. Donc voilà. Donc elle est décédée le 9 janvier 1514 à Blois. Voilà. Donc les années en 14, comme ça, sont souvent des années où il se passe des choses. Alors en 1514, c'est une année quand même qui est moins connue que 1515, puisque 1515, tout le monde connaît, hein. 1515 Marignan, tu vois, le réflexe. Ouais. Quand on était à l'école, on apprenait 1515 Marignan, on savait pas trop ce que c'était, mais enfin, ça sortait bien. 1515, hein. L'année prochaine, on pourra parler du 500e anniversaire de la bataille de Marignan, qui nous opposait aux Suisses. Hein, ce qui est extrêmement rare, hein. Mmh. Les Suisses depuis sont neutres, et donc la bataille de Marignan, quoi. Marignano en italien, quoi. Voilà. Donc, si on continue un petit peu dans ces années en 14, en 1614, bon, 1614, c'est 4 ans après l'assassinat d'Henri IV, donc c'était le début du règne de Louis XIII, qui était encore très jeune, et en fait c'était sa mère, Marie de Médicis, qui dirigeait les affaires de la France, avec un obscur aventurier italien, Concini, qui d'ailleurs a été assassiné par la suite. À l'époque, les changements de ministère se faisaient de façon assez brutale. Voilà. Et en 1614, donc un siècle après la mort d'Anne de Bretagne, la Bretagne était rattachée à la France, mais elle était encore prospère malgré tout. Et donc, on a parlé d'âge d'or de la Bretagne à ce moment-là. Et en fait, le déclin viendra plus tard. Alors en 1714, c'était moins brillant pour ce qui concerne la Bretagne. Et puis, c'était la fin du règne de Louis XIV, hein, qui a régné très très longtemps et donc qui était très malade, hein, qui avait la goutte, hein, et qui est mort l'année suivante. Hein. Et alors on était à cette époque-là, on était dans la monarchie absolue, quoi. Voilà. Alors en 1814, alors c'est marrant, hein, les grands chefs d'État de l'époque avaient coutume de tomber l'année 14. Il y a peut-être quelque chose de surprenant là-dedans. Hein. Par exemple, Napoléon abdiquait en 1814. Donc il y avait une habitude de fin de règne dans les années 14, comme ça. Alors il y a peut-être que ça nourrit Nostradamus, hein, voilà. Il y a une symbolique des chiffres, hein, qui. Alors la prochaine fois, on parlera. Je vais pas en parler ce soir, mais on parlera de 1914. Bien sûr, là il y aura quelques petites choses à dire aussi, quoi. Voilà pour. Là on est sorti un petit peu des sentiers de Zantol, mais faut bien de temps en temps. On passe à la troisième partie de l'émission, Petra Znevierro. Troisième partie d'émission, Petra Zonévé, Hervrouéry. Petra Zonévé, eh ben, Herbla déjà. Plusieurs même chanches bla, un homme que tient, babla, trisek, agédon, babla, pevarzek. Sais-tu, hadlar, bla, vesma, de nol, chiloérien, de skipa, yarkabé, ag, de nol, du, d'orvro. Plusieurs, un déhel, moi, bla, de, bla, vesma, mais, homme, sans de la, bla, vesma, bétafine, misjen, va. Ah, sais-tu, hadlar, de, bla, vesma, ten, dut. Comme son mon temps, et vel custum, vel qui sa custum, de ze l'arbre douar a gazui et war armes. Blanme, à Warland et à Blanme, ve comme ze calze de ze tilazan rostren. Un tilar au londe, hein, bon velan un abattoir en galak, hag un tilazan ze wabe de zo berene de betak bremen gant strolat parouz you kreis breiz, ar CCKB. Ah, vraiment, RCCKB, un eus divise de reine l'arbre reine de, d'Orstroladel. Ag, sais-tu vos aves d'Orstrolad, David Oberwardro, mérire zentilazan. Ag, zavo de vos Estrolaze, gan, zaverien londe, gan, kigerien, à grand tudel. Bon, gwelle de vos zé, pas de blamant. Bah, plus vagar, vite comme zon tom de ze, trop liam, gan, un doux arroise. Zo neubetud an eus an lak de sambles, vid plantan gwe-al, gwe freuz, met de diantan gwe-aval. A setu gantez zo be plant de gwe-aval ou de ze vro am, de ze wen ou ar vro, de la rade, da skwer renet gwengam a renet d'armorik, renet arvorik pe la rin bat. Hag bon, zezo dravad, hag freuz non tu gwerzen met... in plijet van un dut, gant e kevridigez ou a bob sa. Bon, ne vezo zo bet gret ba gwened un delven, delven ar holi. Bon, gouderet ba kalak man delven naouz, a bron ba gwened zo gret o nant vid o holi. Hag holi zo a joko, Je vois un peu ce clé comme ce Joko. Joko wa gande balignol, brouinet, hag doulasso, wa mar, pidio wa seite gla. Hag hiz, hiz wa ba greizen blin, wa greit te san impaler blin, gal hag l'empereur de blin. Ya. Hag Joko zo ta de per han mil an noir, war ar bedol. Hag a se, bon eus bet kal Case verte, hein. Bon, sais-tu, Joko. Alors que je vois en temps me pébler, hein, zo bugal et de Joko. Ya, oui, warzi, mot. Bon, dans mon temps, war dash en un endro, vraiment. Gevridi, gus dour à stériou, velard d'une gale à Kao et Rivière de Bretagne, nous divise d'abord de ze bla perse, que bla de zone, bla batration net. Batration de Zolonde de ce famille Gliska Péran Bacal Blasovelar Chignon l'onde de ce famille de Square en tout segi zourde de Bob Sortrowet à part de Blav au Gret Disqueza Degu Prezegenu war l'onde de war batration de Vichon montant, moi même stachen, nevesso et bedimbanle de niver en can, de zor gelaouen la hulotte. Goudret pétare la hulotte, hein, ya. Hein, or gelaouen a zo bratri, hag gomz de ze nature un drodim, hein, pas de ze nature ba broyopel, mais un drodim. Hag, gelaouen se zo becrou de hugen lasso, hein, gand, spen de hugen lasso, mames, gand en mescol, pierre deum, hag hez neus gret de hezo de ze nardenet, hein, neus gret de gelaou en zan, de diant an oa ke met an labour a warze, hag bon, a plijustre, la hulot, hein, bra outre, hag skeden ouzo bra outre, hein. A hir e tout, hein, tout de, un trao skrive de, un tresade, no, tout, uje gret ganto. Bon, vichon mon, vimon noir on drail, oas, Brome zo degla oa et devon zo ar mor ur vag bugale breiz. Hag bremañ bon degla oa l'er vek gwar a pez amod oa bekont gant ur vag ze. Pudur hez oa ur vag pesketa oa me mi oa enan de houls ba vroz de houls hag an de oa l'er a tout an du de l'ar e oa be de tapet gant ur vag spluch. Hein, au listre spluj, da sous-marin in galak, hag bromen degla oa l'air avec gwar al pez amod e bekont, pujan. Zuroar zo kal zedro a zo kuet banaf ar zo. A zuroar matrez an nevo ke gwar at gwe je bet pez amod oa bekont gant gant ur vag bugal e breiz. Bon, kal zedro zo don o ton ba blav ez dao vil perzek, war am ketoun, me gout ur am on tam des pez vo, ne gomzin ket tar kalz deus kib mel droad ar bet, peut-il non ke gwal diden gant un afarz. Met bon, klev o trawar l'erhel. Bon, de zin gomzin ket kalz. Obla votadeg ou evo, hein, peut-il vo gred ba mis meurs, vo votadeg ou vide parouge, vo bon vide hanyo kuzuler, yen a kon... a Meriou, hag bon ar vo gwelet, hein, pe sa mod vo kont, kleve komz deja an tamm, hein, deus vot a degouz, hein, der ne hat ka vo o gador, der en el heikuit, bop, sa mod vo gwelet. Bon, a hendel vo vot a degou vid ba miz me, vid bro Europa. Hag ba miz me vo ive redadeg, hein, vid an brezon, nuk vel veget bep daoula. Hag... Ba mis me vo gret c'hoaz ur gwell vid un dreuj un gol, ba gron, level just, a tro ar dro. Hag ur edadeg vo sambles gant gwell un dreuj un gol. Bon. Ba trelaze zo tos d'Angé, vo zer prestig un diouzan vengleuz, oa dindan un douar bro vrans. Hag ur vengleuz men glas oa. C'est une vauquetine mengleuse bête ba Brovrance. À gant temps, moi, mameuse mode, ou mameuse Puis là, battre l'Asie ou quelles œuvres tournent, hein? Quelles œuvres tournent doit être la bourre à des noms. Avec quand votre famille ou des œuvres tournent, ce roi, c'est un trop à drôle danger énorme. Hag, y a vichon montant, ou à ma moustache, un balac, mon compte ma mesmote, puis d'urne ce que des un tchin, à part trugen là, zo béten de hésen de ce lac, mais vraiment y échu. Hag, un diwa farze, très lasé à lac, la carante onde de jonjal, le fait bémat d'un dude à le peine au bras, dristol, comment jonjal on tombe à l'homme genre de zone, puis d'urne pv, au film belè que fait d'hermat, j'y pépera. Hag, alise que jonge drôk, hein, pé sa mot de vaugret ou à l'air. D'asquer, pv comme de ze nulmen, pv comme de ze herozen, pédure, nulmen de vide irinige, bon, vegred, vel ma bad faisé, par d'une éternité, as your arm de vocat, massen bardo qui tient pelle vers jonge. Bon, waranda chanel, dis rentrer, vége, pelarin mod, un du de zonoa de canine, puis reso kosor en tombe, kosor vidor, hein, un de zon de mod, de sclé combs, bon, peut-être de Jean Robic. Jean Robic, ou à poudre vélo, hein, hag, his wad gande da zavet ba radenak, zo ba brogouin radenak, hag, tape wa begantan ur mog de vide trop brohal, bla seis adobigen, bla wa l'air wan gandet. Avec part de blavés ou hanteur camp, j'ai clé d'Alice, allez, vas-y Robic, Jean Robic, ou, on dit une bruit de tri, Brice, on tombe vers l'oie, lui, ils ont bobé, hein. Avec, asine, zo bégrède, un troval, et, vide, un inor de Jean Robic, bah, Radnac, hein. Au circuit, ma besoin de vie Monteval, et, ou à Roud, ou, Jean Robic. Quand Vlasso, c'est que de ce miss hoir Milo Hampers que wa grande Pierre Jacques Elias ag Pierre Jacques Elias au Hanna en mode vide lever de scrive d'un Omar Lor scrive de Brezon de Gatro et grand temps Galac mais de Azewa deux de bla Pemze Gatrugen wa deux de mais Leverse d'indan de Nang Galac le cheval d'orgueil mais Virion et ne se grette qu'à ze drawel. Qu'à ze drawel, scriveneuse, barzonné, goupé, johari, à comme ze neuse, bah, radio, puis j'aurai, ou à l'air brezel, Jacques Scroren, bah, radio, de Zul, à ses cause de cela que père Jacques Elias, Kayran ou à Pierre Elias. Sais-tu, bonne, quand l'asso, hein, ou à grande de, Pierre Jacques Elias, bah, Pouldrezik. Hag, zurwar, vos combes de 200 cals, blanc-me. Hag, lever ze zo begwer, lever le cheval d'orgueil, puis marlor zo begwer, ze spend 2 millions de cents. Hag, tro de bit, bah, cals yezo et bit tro, edam. Bon, cals de droit, ou ve fait bit de l'arroise, mais ma treize en voleuse que l'on tombe vide en végel. Hag, bon, c'est tu, La ronde d'art tient Norvégel, hein, à vos combes de roise de Skalzedrau. Qu'est Norvégel, Eric?